Chapitre 19e, quelque chose de meilleur. Le soir, dans sa petite chambre, plongée dans l'obscurité, Zara est allongée sous la couverture de son lit. Elle se rend compte que depuis sa relation avec Harim, elle a découvert un autre monde. Celui des personnes sachant affronter positivement les problèmes causés par la méchanceté à visage humain. Ah, si j'avais fréquenté Karim quand j'avais 14 ans. Nous habitions déjà le même immeuble, mais sans nous connaître. Soudain, Zara se met à renifler. Elle répète l'opération plusieurs fois. Elle finit par s'inquiéter. Dans l'obscurité, elle quitte son lit et sort de sa chambre. Elle renifle de nouveau, puis, très intriguée, se dirige en silence vers la cuisine. Parvenue près du seuil, elle entend de sourds sanglots. Aussitôt, elle entre dans la cuisine. Une très faible et blafarde lumière orange, provenant d'un lampion public extérieur, permet de regarder à l'intérieur. Zara découvre, totalement stupéfaite, son père allongé par terre sur le dos. Il pleure en hoquetant. Zara se rend compte alors de la nature de l'odeur qu'elle sent, le gaz de la cuisine. Zara se précipite vers le réchaud et s'aperçoit que le fatal produit en sort en émettant un faible bruit. Totalement effrayée, elle a cependant le réflexe de fermer rapidement le robinet du gaz. Puis elle s'agenouille près de son père. Son visage est baigné d'abondantes larmes. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» chuchote-t-elle pour ne pas réveiller sa mère. « Tu l'as vu ?» parvient à dire le désespéré d'une voix éteinte. « Je veux qu'on disparaisse tous, toi, ta mère et moi, de cette maudite terre. À quoi bon endurer encore, maintenant que l'un de mes garçons a disparu sans dire pourquoi, et l'autre s'est noyé dans la mer ?» Si Dieu existe vraiment, il m'a maudit. Mais pourquoi? Est-ce ma faute si je ne parviens pas à trouver du travail? Quelqu'un m'a proposé de devenir un mouchard de la police, mais non, non, je ne peux pas, je ne veux pas descendre jusqu'à cette infamie. À cette dernière et totalement inattendue confession, Zara se raidit. Le père murmure. Avant de mourir, je dois te demander pardon. Zara le regarde, sans comprendre. Il précise. Oui. Pardon de t'avoir manqué de respect quand tu étais petite. Misérable, je fus. Oh, j'avais compris pourquoi tu avais soudain abandonné la maison pour aller j'ignorais où. Misérable, j'étais avec toi, totalement misérable. Et l'alcool n'était pas une excuse. La honte aurait dû me convaincre de crever, de disparaître de cette terre, moi, qui au lieu d'être ton père protecteur et aimant, je fus. Il n'y a pas de mots pour le dire. Oh, je sais. Je sais combien je suis ridicule, maintenant, à te demander pardon, mais je dois le faire. Je ne veux pas mourir sans l'avoir fait. Non pas que j'ai peur du châtiment après ma mort. Les souffrances de ma vie sur terre ne sont-elles pas suffisantes comme châtiment? Et si réellement, il y a une vie après la mort? C'est à moi, à demander des comptes à Dieu. Pourquoi as-tu permis tant de souffrances sur terre pour des créatures totalement innocentes? Moi, je fus un mauvais père avec ma fille, je l'admets. Je m'en accuse clairement et je lui demande pardon. Et toi, ne dois-tu pas reconnaître tes fautes envers tes créatures, tes enfants, et leur demander pardon? Abasourdie, Zara est profondément troublée par ces paroles. Le père continue, la voix altérée par le remords. Même si tu refuseras de me pardonner, je le comprendrai. Car j'avais détruit ta vie, moi, ton père, alors que tu étais si jeune, si innocente. Zara, ma fille. Puis-je t'appeler ma fille? Me le permets-tu en cet ultime moment? Zara ne retient plus ses larmes. Elles surgissent abondantes et ruissellent sur ses joues. Papa, gémit-elle. Papa, je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Merci. Merci. Merci. Ah, je ne parviens pas à dire ma fille. Dans ses prunelles rougies, à force de pleurer, des larmes coulent encore. « Maintenant, murmure-t-il en suppliant, ouvre le robinet et viens te coucher sur le sol près de moi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quant à ta mère, ses malheurs finiront de la manière la plus douce, sans s'en rendre compte. » Celle-ci survient dans la cuisine, angoissée, elle voit son mari et sa fille. « Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il » interroge-t-elle. « Rien, maman, rien, » répond Zara, espérant tranquilliser sa mère. « Mais que faites-vous ici ?» reprend cette dernière. Papa, réplique la fille, ne se sentait pas bien. Je l'ai trouvé ici, dans la cuisine. Ce n'est pas vrai, objecte l'homme. J'ai ouvert le gaz de la cuisine, mais Zara l'a fermé. Le gaz? Dit l'épouse, terrifiée. Oui. Et pourquoi? Le mari garde le silence. Brusquement, son épouse comprend, affolée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Inutile de l'invoquer, réplique le malheureux. Tu n'as pas encore compris qu'il est sourd à nos malheurs, au point de m'avoir convaincu qu'il n'existe pas. Sinon, comment peut-il ne pas réagir à notre détresse, lui qui est défini comme Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux? Et surtout, ne me parle pas d'une vie meilleure au-delà. À une personne affamée, on ne promet pas du pain et même des gâteaux après sa mort, mais on lui donne à manger pendant qu'il vit. Une fois, je me suis confié à l'imam de la mosquée. J'ai parlé de mes malheurs. L'impossibilité de trouver du travail, même le plus humiliant. Mes deux enfants contraints par le désespoir, l'un a abandonné le foyer familial, l'autre à mourir noyé dans la mer. Puis j'ai demandé, pourquoi tellement de misère, de pauvres, de malheureux, de tragédies, sans que Dieu intervienne pour mettre fin à ces immenses injustices? Pourquoi faut-il attendre l'au-delà pour enfin ne pas souffrir? Très offensé, l'imam me cria, le visage soudain empourpré de colère. Ne blasphème pas, ne blasphème pas! C'est Satan qui parle par ta bouche. Je ne fais, ai-je répliqué, que te demander de m'aider à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, affirma à haute voix le prêtre scandalisé. Il faut seulement croire la parole de Dieu, l'accepter et le remercier, c'est tout. Vouloir comprendre, c'est déjà offenser Dieu. Et Dieu est Shadid al-Aygab. Terrible dans le châtiment. Le père de Zara conclut. Depuis cette rencontre, j'ai renoncé à entendre les prêches du vendredi à la mosquée. Et quand j'y suis allé pour effectuer la prière, au lieu de commencer par dire « Allah Akbar, Dieu est le plus grand », mon esprit a dit « Pourquoi Kabira est ma misère? Pourquoi grande est ma misère? » Depuis, j'ai renoncé à la prière. À quoi bon? Il ne me restait plus rien. Pas même quelqu'un pour m'expliquer ce que je ne comprenais pas du comportement de Dieu envers les déchets de l'humanité que nous sommes. Alors, quand j'ai vu dans la rue Saïd se débarrasser des déchets, l'idée m'est venue de débarrasser la terre du déchet qu'est mon corps. Je suis entré à la maison et j'ai pensé au gaz. Cette tentative du père bouleverse et déchire Zara. Elle prouve une profonde compassion pour son tellement pitoyable père et même de l'admiration. Il y a donc en lui quelque chose de meilleur que moi. Il eut la dignité de refuser la solution de mouchard que moi j'ai acceptée. Et la douleur causée par ses enfants disparus lui a fait croire à une solution finale. Éliminer les souffrances du reste de sa famille et de lui-même par un ultime moyen resté à sa disposition.